Cœur de la semaine. Cœur de la semaine. Cœur de la semaine. Tout est un cœur de la semaine. Cœur de la semaine. Rencontre. Rencontre. I just want to be with you. Plus fort, plus fort, plus fort. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien, le mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, rediff à 19h et le jeudi à 8h. Et c'est mon premier magazine de 2023, une bascule 2022-2023 qui est tout en finesse et en opposition, je dirais. On a eu la mort d'un pape quand même franchement craignos. On s'est dit, ah tiens, mais en même temps, une attaque russe le 31 décembre au soir sur Kiev, ce qui est quand même vraiment sale, mais on n'est plus à ça près. Une défaite quand même du Paris Saint-Germain, le capitalisme footballistique contre Lens, qui est un peu une ville ouvrière. Alors j'imagine qu'il y a des gens dans cette ville qui doivent se réjouir. Et en même temps, eh bien, on nous reparle tout de suite de réforme de l'assurance chômage, de l'assurance retraite. Et on nous dit qu'il faut avoir froid pour être de bons citoyens, citoyennes. Bref, de quoi sera fait 2023, on n'en sait rien. J'espère qu'en tout cas, vous survivrez au tumulte que nous aurons à affronter ensemble et Inch'Allah avec le sourire. Je vais donc commencer cette émission par un coup de cœur. Et cette semaine, le coup de cœur, eh bien, ce sera un concert qui donne justement un peu foi en 2023, puisque ce sera un très bon concert à Saint-Étienne, qui enthousiasme un petit peu cette première semaine 2023. Et ce sera du côté de la guinguette de la vieille mule que le Supreme Dolphins Dictature nous gratifie de 3 concerts en tout point enthousiasmant. Deux concerts, j'imagine une tournée d'ailleurs un petit peu de facture, Triple Alliance de l'Est, puisqu'il y a 2 groupes de Metz qui vont nous venir à Saint-Etienne. Frau Trophéa, nouveau groupe de noise rock assez hypnotique et psyché, qui est un trio où on trouve 2 personnes du Singe Blanc, pour les fans de mat rock, et une personne des Oys Boys, pour les fans de punk synthétique. Il y aura aussi Timut, que je ne connais pas, mais qui est annoncé comme de la no wave, no punk, donc quelque chose d'un peu cassé, un peu brutal, dans ce qui se fait tout à fait, j'imagine, comme ambiance par là-bas, entre Metz, Strasbourg et Nancy, où de groupes très stimulants continuent à frotter leur guitare et leur synthétiseur. Et il y aura un autre groupe qui ne vient pas de l'Est, mais dont je vous ai pas mal parlé, qui a été une belle découverte 2022 et qui me fera aussi lancer, eh bien, ce best-of 2022 dont je vais vous gratifier. Il s'agit de Laurence Vasseur, qui est notamment dans l'écurie et qui concocte un petit peu un label appelé Atomic Bongos, dont je vous ai déjà pas mal parlé. Laurence Vasseur en solo, une espèce de folk un peu expérimental, assez doux, assez intimiste, je pense. On nous parle de castagnettes de givre, de guitare folk, de pluie douce, de Marseille. Et d'ailleurs, j'ai choisi donc pour ouvrir ce best-of 2022, eh bien, de vous proposer un morceau du EP qu'il avait sorti donc sur Atomic Bongo. Et je vais vous gratifier d'une reprise du groupe allemand DAF. Voici une version toute personnelle de Das Grab in der Prinz, Le voleur et le prince. C'est parti, plus fort j'entends rien. samedi 7 janvier 2023, donc à partir de 20h30 pour la modique somme de 5 euros à la guinguette de la Vieille Mule, 84 rue Crozet-Boussingault sur la belle colline de la Vivarèse à Saint-Étienne. Laurence Vasseur en compagnie de Frau Trophéa et Timut. Et à présent, eh bien, je vais enchaîner maintenant avec un exercice aussi chouette que feignant et enfin bref, on reprend, c'est le début de l'année, on n'a pas encore vraiment d'invité, alors on se dit tiens, l'exercice du best-of. Et en même temps, eh bien, je dévoile mon côté cache-misère tout en vous annonçant que ça me fait bien plaisir d'avoir sélectionné 15 morceaux de 15 disques que j'ai vraiment kiffé cette année et que j'ai bien envie de les partager à nouveau avec vous. On va commencer un petit peu sur la lancée avec des petites douceurs bizarroïdes et on va commencer par un grand nom puisqu'il s'agit de Pascal Comlade qui ouvre le bal avec cet album qui s'intitule « Le non-sens du rythme » sorti encore chez Because Music. Pascal Comlade qui est dans sa veine d'instruments bricolés, de jouets pour enfants, avec un tout petit peu de guitare distordue, donc dans ses disques un peu plus rock'n'roll quand même. Et où franchement, il n'y a pas de morceaux achetés. Et ça, c'est quand même pas mal de le signaler. Je vous en ai choisi un parce que j'adore les titres incompréhensibles qui s'appelle « Johnny B. Good », mais j'imagine que c'est « Johnny B. Good » un petit peu, que vous reconnaîtrez malgré mon accent pourri. Et à signaler aussi que le Pascal, qui est fort rare sur scène, sera à l'Opéra de Lyon les 14 et 15 janvier. Je ne sais pas s'il reste encore des places pour un concert en quatuor de piano. Tout à fait, c'est à noter. Voici donc comme là tout de suite sur le 895. fasse ma veine. Flames, désolé pour la prononciation, sur le 895 de Dio, a sorti ce très bel album en début d'année. Il s'intitule Nuevo Medievo, il est sorti sur le super label Muraille Musique. Borja Flames, qu'on retrouve avec donc ce chant espagnol qui a auparavant un peu plus été entouré d'ambiances plus folk, un peu étranges, pas franchement expé, pas franchement grand chose d'ailleurs, et qui voilà, a sorti un disque un peu plus enlevé, plus de rythmique, plus de petits synthétiseurs, de sons un peu cheap, assez chaud, que moi j'ai beaucoup apprécié. Pareil, j'ai pas trouvé beaucoup de morceaux achetés. Je vais peut-être dire ça sur tous les disques. Non, c'est pas vrai, il y en a quand même où il y a des merdouilles. Mais ça arrive à tout le monde, hein, on peut pas en vouloir vraiment non plus. Et c'est comme ça, quoi. Hein. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM. Et mon choix suivant dans ce best-of 2022, c'est honorer un groupe qui sue depuis 20 ans. Il s'agit du groupe bordelais Chocolat Billy, qui a fêté son 20e anniversaire en sortant un nouvel album. Chocolat Billy, qui est un peu fer de lance et cœur de cible du label bordelais Les Potagers Nature, mais qui du coup a... Alors je sais pas vraiment si c'est sorti uniquement sur Kitty Bong, très bon label lyonnais aussi, ou en coproduction, comme ça se fait beaucoup, il est fort possible qu'il y ait plusieurs labels qui soient mis sur cette sauce. En tout cas, Le Feu au Lac, c'est le titre de cet album. Eh bien, ravira les personnes qui aiment les musiques au groove un peu étrange. Et puis, bah, je pense... sera conspué par les femmes de Chocolat Billy qui pu exercer un noise un peu plus nerveux quand même. Il se trouve quand même que ça fait partie des quelques concerts un peu tarte pour moi cette année. Je les ai vus en septembre à la rentrée, ils ont quand même joué pas loin de 2h, 2h30 d'une sueur partagée, et où ils ont montré qu'ils savaient encore ce que c'était le rock'n'roll, mais qu'ils connaissaient aussi plein d'autres musiques. Je vous propose un morceau en anglais de cet album, il y en a pas mal en français à texte, et ceux qui sont notamment retenus sur les rotations de Dio. Il s'agit de Watch Out, tout de suite sur le 895. Angry Silence sur le 895 de Dio, ou comment créer une espèce de big band massif de gens qui s'activent depuis de très nombreuses années sur une scène farouchement indépendante et underground. Angry Silence, groupe breton qui réunit la voix du chanteur de Litovs, qui réunit aussi Pascalou qui est officier dans les Louise Mitchells et dans le label excellent et malheureusement décédé Et mon cul c'est du tofu. On retrouve aussi l'Austral de Marilyn Rambeau et Lapin que vous avez pu voir à Saint-Etienne dans une diophonie. Angry Silence qui a sorti ce disque Strange Times Call for Strange Measures, un appel des temps étranges pour des mesures étranges, où on voit des personnes en fauteuil roulant s'avancer vers un container où ils stockent leur fauteuil, une espèce de truc un peu bizarre. De très nombreuses contributions de labels que je ne citerai pas toutes puisqu'elles sont pas marquées dessus, mais il y a au moins 6 ou 7 labels en coproduction sur ce disque qu'on a reçu en CD, puisque c'est quand même le petit moment où je pourrais le dire, 2022 c'est aussi l'année post-Covid qui confirme que on reçoit de moins en moins de disques en physique, que la promotion des albums a un petit peu changé et que la numérisation du monde, si vous n'étiez pas au courant, est franchement en cours. Oui, franchement en cours. Un groupe en tout cas qui est revenu un peu à ses premières amours de mon rock adolescent en tout cas. Un disque qui, s'il était sorti il y a 20 ans, serait sans doute culte à n'en pas douter. On verra bien ce qu'il donnera dans 20 ans. Musique, info, idées, c'est Radio Dio. Idées, c'est Radio Dio. Radio Dio. Et dans le panthéon des 15 disques de 2022, pour moi, il y a le premier qui a aussi été un coup de cœur de la Fégara Rock, un super bon disque de rock complètement barré, en même temps très accessible, à la fois très pop et très nerveux, un peu fou. Il s'agit du Canadien Gus Engelhorn qui, avec sa copine, a sorti un disque plutôt à quatre mains. Il s'intitule Dungeon Master. Il est sorti chez Secret City Records. Chaque morceau est un peu une surprise. Il a réussi à renouveler un petit peu l'indie rock. Et ça, c'est pas tous les jours que moi, je le dis. Moi, je vous le dis. Hit me. I want you to hit me. You heard me. Yeah. Yeah. Exercise. dans la rue des vaincus. C'est chaque heure le zénith, le soleil bat la brique, jusqu'à la mettre à nu. Pour révéler l'anonymat des foules, les caches d'armes du soleil. Offre son best-of 2022 et à l'instant c'était le groupe Belvoir sur le 895. Deuxième groupe des coups de cœur, Ferrarock a intégré le grand podium de cette émission avec cet album Nouvelle Anormale qui est une coproduction entre Another Records et Cheptel Records. Un disque, moi je trouve, au très beau texte. Alors il y a des morceaux un peu plus enlevés, d'autres qui sont franchement beuglants même. Un disque très contrasté de synthétisme rock'n'roll qui nous amène à une petite bascule dans l'émission. Et oui, on va être de moins en moins rock'n'roll et à présent sur cette deuxième demi-heure, explorer les contrées électroniques et hip-hop qui ont peuplé cette année. On va commencer avec un projet qui a un pied un petit peu partout. Il s'agit de Avalanche Kaito, qui a été pour moi une grosse claque. J'ai malheureusement pas pu les voir en concert et ils ont un peu tourné quand même. Il y a deux personnes de Belgique qui ont monté un projet avec Kaito, donc qui est griot et chanteur du Burkina Faso. Un projet un projet de trance, voilà, tout simplement assez agressif quand même. Et le morceau que je vais vous jouer là n'est pas forcément à l'image du disque où les guitares et les distorsions sont un peu plus présentes, mais il commence doucement et avec une petite tension qui, je l'espère, vous suggérera un petit peu l'écoute de ce groupe essentiel de 2022, qui avait d'ailleurs fait un très beau concert que j'avais diffusé sur un plateau Ferrarock. J'avais, dans l'année, passé 30-40 minutes de live de ce groupe qui, tout de suite, vous devez aller écouter l'intégralité de ce disque, sorti chez Glitterbeat, d'ailleurs, et ce disque qui n'a pas de titre, puisque c'est un premier disque. Put him in line and I put him on my chest. C'était Wu Lu à l'instant sur le 895 de Dio, extrait du mortel album Log sorti chez Warp. Wu Lu, c'est un groupe de hip-hop anglais qui met beaucoup de rock là-dedans. On appellerait ça de la fusion il y a 30 ans, mais c'est quand même de meilleur goût que pas mal d'expériences hasardeuses qui ont pu y donner lieu. On y retrouve largement les ingrédients qui feront le plaisir des fans de Aurore, Def Grips ou Zone Libre et Casé, ce genre d'énergie un petit peu sale avec des flows très contrastés quand même et des morceaux même un peu plus pop, presque on dirait du Beck des fois, enfin des trucs un peu crado, des chants même, des chœurs un peu soul, bref un super beau disque hyper contrasté d'une très bonne année sur Warp comme vous l'entendrez bientôt, puisque je vais enchaîner sur un autre disque. Alors autant Wu Lu était sorti en plein été, mais Mount Kimbi est sorti lui en novembre ou décembre dernier. Ils se sont fendus, ce duo d'électro anglais, d'un double album, un disque instrumental avec de la musique répétitive qui fait penser un petit peu à des machines mécaniques qui tournent sur des rythmiques assez effritées. Un très beau disque, pas très radiophonique mais très très bien, et un deuxième avec plein de featuring hip-hop, raga et R&B, avec du très très bon dans la place quand même, notamment plusieurs morceaux de Wiki qui sont vraiment super et qui tournent chez nous. Là je vous propose un morceau, il s'intitule In Your Eyes, avec un featuring de Slow Ty et Danny Brown, extrait de cet album Die Cuts de Mount Kimbi. But that doesn't make them very popular. They chase the old time. The porters out there, you can't play ball, you can't do this. Then there's the neighbours complaining about the children, telling them to tell you how old. But don't you think you call me dirty, you'll get back in a big Nero. How I miss the kiss you used to give before I dipped and dipped and dipped and dipped. In your eyes, I'm still the kid doing scratch and sniff. Before we got in whips, back in BMX, standing on the pegs, asking for a chip just to roll a spliff. Cause we didn't have a quip, we had to tick and tick and tick and tick. Till they come for their shit like you ain't getting it. Wait, where's my fucking money? You ain't getting it. Money is my glue. Grab your neck and make it blue. Sad emoji for a snakey. You ain't snakey, cause there's nothing I won't say to you. And I don't care who you want, get ripped apart like I'm a pair of shoes. We like socks, where you gone? I know I'm on, it's been too long. I huff and puff, they all fall off. Rise and shine, they're done and dust. Stuck in a zone where the only one's home is the man in my thoughts. See that we sold, all that I known is I've been here before. Stuff on the stone, never been pure. War in my dorm, don't open the door. Head in my hands, sat on the floor. Boys don't cry, what you crying for? It's a hard knock life, wish I flow away your sea. C'est la vie, such is life, don't bring sand to the beach. You can judge somebody by the company they keep. And my friends kill my friends, and truthfully is killing me. In your eyes, see the window to your soul. Can't go back, trapped on this road, don't know which way to go. I won't buck, don't play my hand, and trust me, I won't bow. Knee deep in them trenches, turning copper into gold. Man, it's worth so cold. Ask me how many bucks that I can get. So I roll my blunt so fat, we call it body positive. You must take in bottles back with all of that capping. I be hard to find, like dropping aspirins and aspirin. Smoking by a campfire, liar on your face. What's true can't be erased, like in dark time, pray for sunny days. What's going on? Marvin rolling in his grave. Mercy, mercy me, these niggas need to be safe. Run it up like run, you're tired of coming up with something. My nigga talking cold, told him bring a bag of bunions. Run it up like run, you're tired of coming up with something. My nigga talking cold, told him bring a bag of bunions. It's a hard knock life, wish I flow away your sea. C'est la vie, such is life, don't bring sand to the beach. You can judge somebody by the company they keep. And my friends kill my friends, and truthfully is killing me. Oh, Bully, what you want to go? On the back, and when not, hey, Bully, what you want to go? And who needed it if I your not? Not that I'm a Fubuka, on the back, and when not, you know, you want to go? We want to cop it in ya. Ubanga be give it to you, God. Give it to you, God. Munaku Musayu, Munaku Musayu. Give it to Kola. Give it to Kola. We need to buy it all, but I'm on the young way. Give it to Kola. Give it to Kola. Bandit, if I can make it, I'm going to be able to get it. On your Kola. On your Sako. On your Kodin. On your Kodin. On your Kodin. On your Kodin. On your Kodin. Every baby of your cobra, get that bunny of the fuga. Every baby of your cobra, must my big girl to go to God. Yeah, what is it? Yes, autant de temps pour là, pour l'envoler, yingi de chitimba, mkusoko, vikolo, nyumira, et puis guéda, webo, membera, et puis la gala, pour toi, bouignine, avant de côté sangamba, bouli mokabi, bifouse, bivante, bouyama, wanga, la bombe, bébé, gouguao, avant la bague, avant que ça va, dino, koumanyo, basanga, boutabika, et puis tu peux, yingi de ça, au coup, tout, bon, bon, bon, drôlinga, au bon, bon, bon, quoi, mon garçon, yop, yop, ça, mon bivousanya, et puis la gala, tu couba, de ougula, tu vois, il est de là. Oyo ya cheche chita kusa Okula cheche chibwa mwaza Yoko mafiku wa yoko moku nila Okula mwaburi umadiga Oyo ya cheche chita kusa Okula cheche chibwa mwaza Yoko mafiku na yoko moku dunia Okula mwaburi Kupange bitu ya vyo kubwa Bifuga bituma Bitu ya vyo kubwa Mazima bita ikonte wogoka Kudabula Ye wale Mububuka Tawogoka C'était Ekobaz à l'instant, rappeur ougandais, sorti chez Kram Disc, cet album M. Masso, qui, écoutez, c'est ça, hein, c'est un gros flow nerveux avec des gros beats bien vénères. J'ai eu la chance, un peu par hasard, de le voir à Marseille, à l'Embobineuse, il n'y a pas longtemps. J'ai pris une grosse claque, il a fait plus d'une heure et demie de set, seul tout, à enchaîner ses flots bien nerveux et à faire danser tout le monde. Je ne saurais que trop vous conseiller son écurie d'origine, bien entendu, puisque Kram Disc révèle bien en Europe, mais de vous retourner vers le label ougandais Niege Tapes, où vous retrouverez pas mal de ce genre d'esthétique d'électronique un peu froide de l'Afrique de l'Est. On enchaîne tout de suite avec notre personnalité hip-hop, une rappeuse, Mickey Blanco, militante des droits queer et transgenre, qui a sorti un nouvel album. Alors là, pour le coup, je dirais que tout n'est pas à mon goût. Il y a tout un versant un peu pop où je m'y retrouve moins. Il y a des vraies perles de rap, mais il y a énormément de featuring et des featuring assez audacieux pour le hip-hop, puisqu'on retrouve Devendra Banhart, Anony, anciennement Anthony and the Johnson, Michael Stipe de REM, et pas mal aussi de featuring de rappeurs et rappeuses des États-Unis. Je vous propose un extrait de cet album qui s'intitule, je me perds dans ma liste, qui s'intitule Stay Close to Music, sorti chez Pias. Snow White LeBlanc, Mrs. Vanilla Skrilla, Flex McGilla Gorilla, Iconic bitch, I'm a pillar. These hoes talk about realness, don't even trust they own feelings. Tory Burch on your flip-flops, you confused, I can feel it. I am so lucky, how much that dog in the window. Blueberry blunt, wrap that endo. I feel tranquila, Sazendo. I Princess Peach's Nintendo. He eat my ass, he like Lindo. He got a fat in your window. I scream out loud, Jesus Christo. All the best life, shine in the bright lights. Full of the good life, let these go. Oh, can't do it like Mickey. Saint bitches acting so scared of me. Bitch, I'll pay for your therapy. Help your ass get some clarity. Post a job on my charity. Get yourself an identity. I detest a vulgarity. Since Haze Boogie had niggas geeking, my career has never stalled. Bitch, it's only peaking. How'd I do it with my flaws? Yes, I'm just a genius, setting panties on my penis, counting money, acting fiendish. Throw me in to wish you well. You are my haters, yeah, I wish you well. Throw me in to wish you well. You are my haters, yeah, I wish you well. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, oh motherfucking XT. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, you a motherfucking ST. I was wondering at my last since I found you. You were after half in this game, babe, I got you. You were VIP when this world, you betray me. Tell me how my back and see my dick and see my friend. What? You were playing fool to exist in this world. No. First you were my bestie, ready to give my life for you. Now you were my exie, I'm ready just to kill you. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, you a motherfucking bestie. Don't play with me, bitch. No. Don't play with me, bitch. No. I can go tell my hand girl right now, bitch. Uh-huh. You have the big mouth to talk shit, eh, bitch. But when the fight start, you run out of pussy ass, bitch. This shit ain't magic. You wanna play fool? Let's play fool. Cause, bitch, you are done. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill her. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill her. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, you a motherfucking bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, you a motherfucking bestie. If your bestie stole your money, just kill your bestie. If your bestie stole your nigga, just kill your bestie. If your bestie don't know how to clean her, what? Just kill your bestie. If your bestie smell like a shit, just kill your bestie. I got a mood, I got a flow. Open your eyes, I give you a choice. Open your ass like a hoe, or bitch, you want to die slow? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, way. You can cry like a river, I don't give a damn, bitch. You will suffer like a bitch, but you deserve it. You can cry, boo boo, I don't give a damn, you're just gonna die. Please, I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, you a motherfucking bestie. Come on, I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, you a motherfucking bestie. I'm gonna kill my bestie. What? I'm gonna kill my bestie. I'm gonna kill my bestie. Yeah, bitch, you a motherfucking bestie. Uzi Freija sur le 8-9-5 de Duo, que je vais vous appeler UZI, plus loin F-R-E-Y-J-A, a sorti son deuxième EP sur le label Warrior Records, le label monté par Rebecca Warrior de Compromat et Mansfield Tia. Ce EP s'intitule Lunacy et il regroupe 5 morceaux dans cette veine. Je sais pas exactement d'où elle vient, mais il me semble qu'elle réside du côté de Nantes et qu'elle officie en trio maintenant en France. Donc elle est possible à voir en concert et je ne saurais que trop vous la conseiller parce qu'elle a quand même des chorés et une danse qui, à mon avis, ambiance un petit peu tous les gens qui aiment remuer leurs cuisses. On va finir ce best-of 2023 en musique électronique pour une nouvelle réalisation d'un duo qui officie depuis pas mal d'années, au moins 10, 15 ans peut-être. Il s'agit de Zombie Zombie, qui a été un coup de cœur de la Ferrarock cette année, avec un album qui est tout à fait à l'image de ce qu'ils font d'habitude, mais avec quand même une petite innovation et de taille, puisque l'intégralité de l'album est composée de chants en latin vocodés ou autotunés. Et oui, tout à fait, alors ça peut faire un peu peur comme ça, peut-être d'ailleurs vous allez détester ce parti pris. L'album s'intitule Vae Vobis, il est sorti non plus chez Versatile, mais maintenant chez Born Bad. Je vous propose le morceau éponyme Vae Vobis pour finir ce best-of, et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Duo. Je vous souhaite tout le meilleur dans ce monde en tension. Et je vous dis à la semaine prochaine, dans le mois de janvier. En tout cas, je ferai un autre best-of uniquement sur les sorties stéphanoises et régionales. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine suivante. Allez savoir de quoi l'avenir sera fait. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.